Una vegada més, la música al vostre costat, la música que ens porta aquest programa. Hola, la Music, amb Rafael Corbí. Molt benvinguts i molt benvingudes. És el món de la música en francès. I com sempre, començant amb aquesta cançó de la French Gaulle, aquest music obre sempre les portes amb el nostre programa. Una nova edició i nous protagonistes i els mateixos col·laboradors que cada setmana estan entre nosaltres. I avui ho farem també començant, com sempre, amb les cançons que ens tria la nostra col·laboradora, la Norma. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ta bouche se fait douce quand ton corps se fait dur, quand le ciel dans tes yeux d'un seul coup n'est plus pur, quand tes mains voudraient bien, quand tes doigts n'osent pas, quand ta pudeur dit plus chatte et que tu deviens chienne et qu'à l'appel du loup tu brises enfin tes chaînes, quand ton premier soupir se finit dans un cri, quand c'est moi qui dis non, quand c'est toi qui dis oui. Fais l'amour quand d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime és la primera de les cançons que avui triem amb aquest segment que comencem del nostre programa. Sempre deixem que sigui una de les nostres oients, la Norma, qui ens triï les cançons que escoltem, i avui ho ha fet amb un dels pioners d'aquest rock and roll a França, i sens dubte el rocker més famós d'aquell país, i com les Frites o els Barrufets i tantes altres coses ben franceses, és d'origen belga i el seu nom real és Jean-Philippe Smets, tot una llegenda

Un personatge molt destacat en de la música de francès, ha enregistrat en nombrosos idiomes com el francès, l'italià, el castellà o l'anglès, i els seus grans èxits inclouen cançons com Ni me porto quo, aquesta que acabem d'escoltar també, Ma liberté de penser, tots ells número 1 a França, o el Caruso, que va ser un número 2, peces magnífiques que trobàvem, algunes d'ells en àlbums que ens arribaven des de diversos anys, i amb una meravella de música, com és el cas d'aquesta cançó que també escoltarem, D'un amor l'altre. Dans les chancrures de ces nuages, quand la montagne porte seins nus, les aubes tièdes jusqu'au mirage, mes mains deviennent l'ombre des nues. Entre silence et métissage, entre sommeil et petit jour, je te délace comme un corsage pour faire une place à mon amour. À mon amour, je t'aime. Tout piqueté de diamants doux, quand la rivière défait son lit, qu'elle écarte ses genoux, mes mains deviennent le chant des pluies. Entre confesse et pieux mensonges, entre caresse et demi-tour, j'ouvre tes voix que je prolonge pour faire une place à mon amour. Sur la mer vaguement femme, quand ses courbures se silhouettent, et qu'elle se gonfle et qu'elle réclame, mes mains deviennent ce qu'elle souhaite. Entre un baiser, un détour, entre ma peur et ton sanglot, je te silence à demi-mot pour faire une place à mon amour. Je t'aime. Que bonica que és la música, sigui que sigui la seva procedència, el seu estil, el seu idioma. Només t'has de deixar seduir per les seves paraules, per els seus sons. Això és el que ens encanta de descobrir, fins on pot arribar el món musical, i en aquest cas, amb aquest programa nostre, l'Ala Music, amb el món de la música en francès, que n'hi ha moltíssima i no limitada a l'hexàgon, com una vegada crec que tu mateix ens vares comentar. Ciril, molt benvingut, gràcies. Gràcies i encantat d'estar aquí novament. I efectivament, Rafael, la música és meravellosa. Qui la va inventar va tenir una idea genial aquell dia. D'això no estic convençut. La música doncs, ens permet viatjar i sobretot té un component emocional que jo crec que cap altra manifestació de comunicació pot arribar a tenir. És un plaer compartir música, és un plaer escoltar-la i és un plaer doncs, estar al mig de totes aquestes vibracions musicals. Avui també doncs, jo segueixo amb la col·laboració del Fabià i perquè, doncs, perquè en sap i perquè també ens aporta una altra mirada, una altra escolta i també doncs, una altra generació. Una generació que ha crescut segurament amb, ja no amb les claus del rock and roll, com la gent de certa edat, sinó sota les claus del hip-hop, que és el nou llenguatge universal. Ens anem un dels grans referents del hip-hop francès i segurament europeu, també, una de les grans estrelles, mega estrelles, i en aquest cas, amb un treball seu, era, penso, que es deia Cinquième As, el cinquè As, de l'any 2001. Ell és MC Solar, com us deia, algú que segur que us coneix, i que efectivament és francès, amb un tema especial, perquè la primera estrofa, com veureu, és en castellà, i després doncs enllaça amb la llengua francesa. MC Solar amb Hasta la Vista. Que viva la revolución, rapero número uno, el grito en la canción. Soy en el papel del líder como Fidel Castro. Tengo el micrófono, amigo, cuidado. Solar, soy al mismo tiempo ser y estar estrella. La gente de India me llama Star. Pasta rap de Barcelona, de Costa Rica, Alianza. Tercer mundo, Sudamérica. A mí me gustaba la chica llamada Raquel. Tengo la voz, la fuerza, estilo y papel. Si te gustas, vas a bailar como Ibiza. Soy como el sol, hijo de África. Esto es amor sin dolor. Hasta la vista. Hasta la próxima, mi amor. Esto es amor sin dolor. Hasta la vista. Hasta la vista, mi amor. J'étais livreur de pizza près de l'hacienda où la chica du nom d'Esmeralda faisait la fiesta. Comme par hasard elle me commande une pan chorizo. J'ai compris le complot quando la fille me dit te quiero. Amigo, dans le barrio on se pavane sec sec. 6 jours sur 7 et qui la patrice de tête. Mais ça n'a pas plu à certains pistoleros. Magar Ortel Valera devrait être de Villero. Expulsé de la ville, tel un sans pape. Seul, sans barillet, isolé, tel un gâteau sans pape. Quand je pense à toi Rachel, Esmeralda, j'en ai la gorge serrée mais bon. J'ai des Valdas. Hasta la vista. Hasta la próxima, mi amor. Esto es amor sin dolor. Hasta la vista. Hasta la vista, mi amor. On est en Californie, bien avant Mi Watch, Marc Solo. Tel un orphelin dans la poche de Biatch. Y'a des noirs, chouan, chanken et des gringos, des gringoles. Y'a des ponchos sous les sombreros. À contre-jour, Esmeralda DS, les yeux pleins de liesse. Sort du Pony Express, elle me dit bah mono. Je réponds yes, c'était Bonnie and Clyde dans Notre-Dame de Barbès. Hasta la vista, générique final. Hasta la proxima, on part vers l'ouest à cheval. Tout le monde se lève, il n'y a plus personne dans le ciné. Le film est terminé, mais j'entends chanter. Aquesta és la música, és la companyia que ens porta en Cyril i aquestes cançons que ens obsequia amb aquest tema d'MC Solar i aquest Hasta la Vista que acabeu d'escoltar. És el moment de passar a la bona música de 2017, un àlbum que arribava al número directe de la llista de música francesa, el top 150 dels millors àlbums a França, i entrava directament a la primera posició. Es tracta de Calogero i el seu darrer producte musical anomenat Le Forte Chéri. Voler de nuit és el títol de la cançó que obre aquest disc. peu solide. Des guerres civiles. J'étais fait pour planter des fleurs dans un jardin. Certains soirs, il me semble entendre dans le cockpit comme une voix d'enfant entre les parasites. Un enfant qui dit s'il vous plaît, monsieur, dessine-moi la paix. Artista nascut com a Calogero Joseph Salvatore Maurici, anomenat així d'aquesta manera a Quirol, a l'Isère, a França, el 30 de juliol del 1971. Ens arribava amb la seva música, les seves cançons, des del 2017, amb un altre àlbum magnífic, aquest que ens acompanya, un personatge que debutava anys enrere amb el seu primer àlbum d'estudi, el 1999, i que 2017 ens portava aquest Liberté i Chérie. Els que em coneixen saben que jo tinc cançons especials en cada àlbum. A part dels senzills editats, trobo molt important sempre la cançó que l'obra, i era el cas d'aquest Voler de Nuit que acabem d'escoltar, la cançó que dona nom al disc, també la trobo importantíssima, i òbviament el senzill triat. Aquest Jejo de la Music és el tema que ha estat triat com a senzill de l'àlbum, número 2 a França, número 7 a Bèlgica. Ça vient de je ne sais où, c'est comme un compteur dans ma tête.

Paris et partout, les amoureux sous la pluie, sur les quais, les bancs publics, dans les rues, sur les ponts, dans les autos, les taxis, les bureaux, les hôtels, les avions, dans les lits, les salons, les balcons. Tres cançons hem escoltat d'aquest disc de Caloguero, que ens arribava des del 2017 com un dels àlbums importantíssims d'aquest any. És el moment de la col·laboració de l'Àngel Rodríguez, a qui novament donem la benvinguda al nostre espai. Bon dia, Àngel, molt benvingut. Hola, què tal, amics? Avui us convido a escoltar un dels grans èxits de la cançó romàntica francesa. Es diu Michel i és original de Gérard Lenormand. Segur que molts la recordeu. Va sortir l'any 1976 i va ser un número 1 en vendes. Una història d'amor viscuda al pas dels anys que s'explica al llarg del tema. Amb vosaltres, Gérard Lenormand, Michel. Tu avais à peine 15 ans, tes cheveux portaient des rubans, tu habitais tout près du grand palais. Je t'appelais le matin et ensemble on prenait le train pour aller tu, au lycée. Michel, assis près de toi, moi j'attendais la récré pour aller au café, boire un chocolat et puis t'embrasser. Un jour tu as eu 17 ans, tes cheveux volaient dans le vent et souvent tu chantais. Les jeudis après-midi, on allait au cinéma gris voir les films de Marilyn. Michel, un soir en décembre, la neige tombait sur les toits, nous étions toi et moi endormis ensemble pour la première fois. Le temps a passé doucement et déchu le prince charmant qui t'offrait des voyages dans ses nuages. On m'a dit que tu t'es marié en avril au printemps dernier. Tu vis tu à Paris. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Michel, c'est bien loin tout ça, les rues, les cafés joyeux, même les trains de banlieue se moquent de toi, se moquent de moi. Se moquent de moi. Esteu escoltant Ulala Music. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, pour une amourette qui me disait bien, j'ai cru qu'une fête dansait dans mes mains. Pour une amourette qui faisait du bonheur, j'ai fui la planète pour la suivre ailleurs. Alors je me suis dit, t'es au bout du chemin, tu peux t'arrêter là, te reposer enfin. Et lorsque l'amour s'est noyé dans ses yeux, j'ai cru que je venais d'inventer le ciel bleu. Pour une amourette qui m'avait souri, je me suis fait honnête, j'ai changé ma vie. Pour une amourette qui savait m'aimer, pour une amourette qui croyait m'aimer. Pour une amourette, l'amour éternel dure le temps d'une fête, le temps d'un soleil. Et mon amourette qui était trop jolie, vers d'autres conquêtes bientôt repartie. Le premier adieu a gardé son secret, elle emportait l'amour me laissant les regrets. Mais notre vieux printemps loin refleurissait, tout contre mon cœur déjà il me disait. Une petite amourette, faut la prendre comme ça. Un jour de peut-être, longtemps quelquefois. Va sécher tes larmes, un nouvel amour te guetter des armes, les peines d'un jour. Une petite amourette, un jour reviendra te tourner la tête, te tendre les bras. Chanter la romance du rêve joli, et je sais d'avance que tu diras oui. Alors les amours pour toi refleuriront, tu aimeras encore à la belle saison. Une petite amourette n'est jamais trop jolie, quand on sait d'avance ce que dure la vie. Aquest és un dels personatges que en un anterior programa ens havia descobert l'Àngel Rodríguez, Lenny Escudero, nascut a Espinal, a Espanya, mort el 2015 a França, cantant, autor, compositor, intèrpret i actor francès, nascut com a Joaquín Lenny, i que ho va fer a l'Alta Navarra. Era un personatge que ens va destacar amb alguna cançó i avui doncs volíem escoltar alguna cançó més abans d'arribar al final del nostre programa dels seus grans èxits, com aquest Por una Moguet que acabeu d'escoltar, o aquesta que porta el nom de Dement. Quand je croise dans la rue un couple d'inconnus dont la tête se penche vers le sol parce que les cieux déjà s'approchent d'eux et de leur tête blanche, il y a comme une peur qui m'oppresse le cœur, une voix qui résonne. Ils ont dû pour vivre vieux souvent fermer les yeux et dire je te pardonne. Ils ont dû pour vivre vieux souvent fermer les yeux et dire je te pardonne. Lorsqu'arrivera le temps de notre dernier printemps, le temps des souvenances, nous donnerons notre bel argent pour nous payer comptant un peu d'eau de jouvence. Puis comme des pèlerins referons le chemin dont l'ombre nous fut tendre, à l'emplacement des lieux où brûle à notre feu nous trouverons des cendres. À l'emplacement des lieux où brûle à notre feu nous trouverons des cendres. Maintenant c'est là je dors, ton miroir peut encore te dire tu es belle. Mais quand les rides viendront raviner notre front, faudra vivre avec elle. Alors fais-moi des souvenirs pour que je voie venir sans crainte ma vieillesse. Nous serons au long des jours riches d'un autre amour que donne la tendresse. Nous serons au long des jours riches d'un autre amour que donne la tendresse. Doncs amb aquesta cançó Lenny Escudero i la col·laboració d'en Hamid, que és la que tancarà el nostre programa. Us diem fins la propera. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat a Hola La Music. Lenny Escudero, i ara el bon amic Hamid ens acompanya. Sentiu aquesta música que ens acompanya amb els darrers programes i ja sentiu la veu d'en Hamid, que ens presenta la seva elecció per al programa d'aquesta setmana. Seguim sumant col·laboracions i cada vegada el bon amic ens sorprèn una vegada més amb la seva elecció. Fetxos, bon amic, Hamid. Bonjour, Rafa. Bonjour. Au Martinique, Eugène Monod, il a été connu par sa voix distinguée et aussi par sa façon peculiar un peu, mais elle chante avec, elle commence en anglais et un peu du patois et du français. Et la chanson, elle s'appelle Moin et mine la vie à. Me conti mon ame baba yo. Hello, je t'aime la vie. Hello, je t'aime la vie. Oui, manan la vie. Me conti mon content bidon yo. Hello, je t'aime la vie. Ah oui, moi aime la vie. Moi content la vie. Me conti mon ame baba yo. Voilà, moi aime la vie. A vie la santé. Moi aime la vie. Oh, moi aime la vie. A vie liberté. Moi aime la vie. Oh, voilà, voilà, moi aime sans vanité. Moi mais la vie à haut. Moi mais la vie à bien m'attriter. Moi mais la vie à haut. Polo polo. Moi mais la vie à vie la santé. Moi mais la vie à haut. Moi mais la vie à vie liberté. Moi mais la vie à haut. Polo polo. Moi mais la vie à sans vanité. Moi mais la vie à haut. Moi mais la vie à bien m'attriter. Moi mais la vie à haut. Allez courir, courir, marcher. Allez courir, courir, marcher. Allez courir, courir, marcher, prendre le passeport pour avoir la santé. Allez courir, courir, marcher. Allez courir, courir, marcher. Allez courir, courir, marcher, prendre le passeport pour avoir la santé. Manger natural, natural, c'est bon. Manger natural, natural, c'est bon. Manger natural, natural, c'est bon. Prendre le passeport pour avoir la santé. Manger natural, natural, c'est bon. Manger natural, natural, c'est bon. Manger natural, natural, c'est bon. Natural, natural, c'est bon. Moi j'ai natural, natural, c'est bon. música molt festiva i molt alegre, amb elements que no són característics de la música. El festival de carnaval, toujours l'optimiste, la Eugène Mona avec moi aimant la vie, elle est du Martinique, bien entendu. Aquesta ha estat la col·laboració d'en Hamid a Hola La Music. Hola La Music amb Rafael Corbí. Fins la propera.